Yeah. J'ai rien à t'offrir, à part un peu de moi-même. Je consume un peu plus ma vie à chaque fois que je termine une lamelle. Plus de larmes, ouais. La haine, la solitude, mon arme. Et je suis comme désarmé. Oui, tous mes rêves sont mornés et bornés. On dit de moi que je dépasse les bords, ouais. Nique les bords, hey, qui nous bloque les portes, frère. Et sache que t'auras moins de potes si tu manges du ferme. Ça devient dur de se refaire quand tu côtoies la misère. Oui, je m'isole seul quand j'ai les deux genoux au sol. Ma daronne, ma boussole, pourtant je me roule un bout de seum. Hey, ça fait un bout de temps que je m'étais pas senti si seul. Réveil à 6h, mais quand je marche, j'en ai si peur. Des soucis en citerne, donc m'en veux pas si je m'y perds. Des sous, oui, on veut en faire, mais ça s'en vend de nos derrières. Je nique tous vos labels, je suis boycotté, je vous le rappelle, t'es ma paye. Moi, je tombe du ravin sans rappel. Vincent, ressaisis-toi, c'est ce que me dit ma mère, pleine peine des si belles. Tu mérites les couleurs de l'arc-en-ciel. Besoin de voir ton sourire avant que tu me quittes pour partir au ciel. Ou je partirai en couille le jour où on me sépare d'elle. Tu sais, frérot, dans ma tête, c'est un sacré bordel. Pas de bohème, pas de bohème, l'amour n'attire que des problèmes. Mando poto SAM, y'a des femmes, des sales chiennes, tous à la recherche du salaire. Dis bonjour à mes salauds, mais ça alors. L'État et nous, non, je vois pas de rapport, pas de rapprochement, tant qu'ils nous laisseront pas monter à bord. Donc des plans, on élabore pour vous baiser, avoir la barre. Vous allez vous manger des barres, donc on passera à la barre. On voulait le bien-être à la base et vous nous avez mis en cage. Donc vous étonnez pas de la fuite de haine qui se propage. Certains vont dans le potage des autres, donc ça sent le pétage de côte. Je vois le bétail arriver, donc ça sent le pétage dans la zone. Je bois de l'alcool, je fume des pétards et je m'isole avec la solitude. J'ai une liaison, mes sentiments sous camisole. C'est loin d'être calme ici, je m'arrache les cheveux en avoir une calvitie. Si je calme, c'est comme un missile, ça va aussi vite qu'un battement de cils. L'homme est un imbécile, commet des viols, des homicides. Désolé, missis, très peu de princes charmants. Le vice, le 666, le chez ta négocie allemand. Dernier mégot cheat avant que mon cerveau prenne la tangente. Nous voir dans le mal, ça t'enchante. Moi, on n'a pas eu tant de chance. Je suis pas blindé comme tout chat, pourtant j'ai le beurre à dans le sang. Tant qu'on va pas dans leur sens, on croquera pas à quoi tu penses. Pas de calcul dense, pour de l'argent, ça casse des dents. Je répète deux fois pour que tu comprennes. Pas de calcul dense, pour de l'argent ça casse des dents. Ma vie un casse-tête, je danse avec le manque de chance. Ma vie un casse-tête, je danse avec le manque de chance. Ouais, agent V, les boycottés, hein. Ouais, un de plus. Ya. Yeah.